nous saluons chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Sans tarder, levons-nous pour la lecture de la parole. Toi seul, tu es le Père de tous les esprits. La terre et le ciel. Et tout ce qu'il renferme est l'œuvre de ta main. Tu es l'incomparable. Oui, awezi kufananishwa na kitu kyokyote wala na mtu wote. Nous avons compris cela. Tulielewa ile. C'est pourquoi nous approchons de ton trône de miséricorde. Ndio kama tunakaribia kiti ya rehema yako. Seigneur, pardonne-nous. Bwana utusamee. Et accorde-nous ta grâce. Na utupatie neema yako. Pardonne nos péchés et nos iniquités. Kusamehe mazambi zetu na maovu zetu. Et sauve nos âmes infirmes. Na uokoe manafsi yetu ya ulemevu. Guéris nos corps malades. Uponye mili yetu ya magonjwa. Et guéris même notre esprit. Na uponye ata roho yetu. Ce soir nous avons besoin de ta présence. Imangaribi tunahitaji uwepo wako. Tout homme qui sait lire. Mtu yote anajua kusoma. À la force d'ouvrir les pages de la Bible. Et qu'on en couvre fungwa makaratasi ya Biblia. Et de lire ce qui est écrit dans nos langues humaines. Na kusoma yenyewe iko andikwa malugha yetu si batu. Mais un seul est capable de nous révéler. Lakini mmoja tu iko na uwezo kuyatafsiri. Ce que tu as caché dans les pages de la Bible. Ile kwenye kufichwa makaratasi ya Biblia. C'est seulement le Saint-Esprit. Ni paka tu Roho Mtakatifu. Envoie le Seigneur. Umutume Bwana. Selon ta promesse, tu as dit. Pata malako yako lisema. Quand le Saint-Esprit viendra. Wakati Roho Mtakatifu atakuja. L'Esprit de la vérité. Roho ya ukweli. Il vous conduira dans toute la vérité. Ateniongozaka katika ukweli yote. Fais-le encore ce soir. Uyafanye tena mangaribi ya leo. Nous bénirons ton nom. No, tabariki jina lako. Bénis chaque frère, chaque sœur. Ubariki la ndugu na kila dada. Élève-nous dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Utunyanue mahali ya mbingu ndani ya Yesu Kristo. Bénis la parole qui sera lue. Ubariki neno tasoma. Et accorde-nous ta grâce en toutes choses. Na katika yote upate neema yako. Au nom de Jésus-Christ. Mujina la Yesu Kristo. Nous te prions ainsi. Tunakuomba hivi. Amen. Amen. Daniel au chapitre 9. Daniel sura 6. Dans son verset 20 à 23. Mstari wa 22 hata kufika 23. J'ai parlé encore. Nilikuwa ningaliki nasema. J'ai prié. Nilikuwa naomba. J'ai confessé mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Nilikuwa nakiri dhambi zangu na dhambi ya taifa yangu Israeli. Et j'ai présenté mes supplications à l'Éternel mon Dieu. Nilikuwa naleta maombelezo yangu mbele ya milele Mungu wangu. En faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Mufaida ya mlima takatifu ya Mungu wangu. J'ai parlé encore dans ma prière. Nilikuwa naangaliki nasema katika ombi yangu. Quand l'homme Gabriel, wakati mutu Gabrieli, que j'avais vu précédemment dans une vision, ule ntangulia kuona katika onyo, s'approcha de moi d'un vol rapide, akakaribia kwangu karaka, au moment de l'offrande du soir, wakati ya kutoa sadaka mangaribi, il m'instruisit et s'entretint avec moi, akanifundisha kunyagiza na kuzungumza nami, il me dit, akanyonesha, Daniel, Danieli. Je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Neno ilitoka. Et je viens pour te l'annoncer. Na mimi nakuja njoo kutangazia ile neno. Car tu es un bien-aimé. Kwani wewe ni mpendwa. Sois attentif à la parole. Uwe msikilivu kuneno. Et comprends la vision. Na elewa onyo. Que Dieu ajoute la bénédiction. Mungu aongeze baraka yake kusomya neno. Dimanche nous avons beaucoup insisté sur le comportement de Daniel dans ce pays étranger, le pays de la captivité. Daniel, mujuma tuliweka mkazo yula mwenyendo wa Daniel muinchi ya kigeni, muinchi mule alikuwa mkifungo. Cet homme de Dieu qui avait une foi particulière. Huyu mtu wa Mungu mwenye alikuwa na imani ya upekee. Il est allé très jeune dans la captivité. Katika kifungo aliingia mbiana sana. Mais il a gardé sa foi. Lakini alichunga imani yake. Sur une terre étrangère. Nchi ya kigeni. Là à Babylone où il n'y avait personne pour le secourir. Mule mbabiloni mule akupata mtu akuweze kumsaidia. Il était privé de tout. Alikosewa vitu vyote. Il n'avait pas d'église où aller. Asikuwa na kanisa kwenye aliwezi kwenda. Dans ce pays où l'idolâtrie remplissait toutes les recoins, mule inchi mule mapembe yote kulikuwa paka mabudu ya sanamu. Chacun allait adorer son Dieu, comme il voulait. Kila mmoja anaanza kwenda kuamini kuabudu Mungu wake, sanamu wake vile alipenda. Mais à Daniel, il n'avait pas de temple. Lakini Daniel yeye asikuwa na hekalu. Mais néanmoins, il avait gardé la victoire. Lakini hata vile alichunga ushindi sur le péché, yule ya dhambi. Il avait gardé la loi de son Dieu dans son cœur. Alichungaka sheria ya Mungu wake ndani ya moyo wake. Comme nous l'avons montré et insisté dimanche. Akabale tulionesha na kuweka mkazo muyenga. Sans église. Bila kanisa. Sans pasteur. Bila pastori. Sans prédicateur. Bila mubiri. Sans diacre. Bila shemashi. sans aucun frère avec qui communier. Bila nduko ata moja ula luwezi kushiriki naye. Namoi il était vainqueur. Lakini ata vile yote alikuwa mshindaji. Et il avait gardé la foi. Na alichunga imani. Il continue à faire confiance en son Dieu. Aliendelea kutumaini Mungu wake. Que son Dieu était réel. Ya kwamba Mungu wake alikuwa wa kweli. Ses paroles sont certaines. Maneno lake ni ya hakika. Et il a compris ce qu'il a promis. Na alielewa inyele Mungu alilaka. Bien qu'il était loin de son pays. Hata bila alikuwa mbali na nchi yake. Il n'avait jamais douté de son Dieu. Kamwe hakuweza kushakia Mungu wake. Il continue à lui faire confiance. Et c'est là où nous avons tous failli. Un homme sans Saint-Esprit. Un homme sans nouvelle naissance. Qui était seulement sous le sang des boucs et des taureaux. Il a gardé sa foi. Et il a gardé et la victoire sur le péché. Na alichunga ta ushindi yule ya zambi. Il a mené une vie irréprochable. Aliishi maisha bila kemeo. Cette vie de Daniel. Ki maisha ya Danieli. Est un fouet pour nous. Ni fimbo kwetu. Une très grande correction pour nous. Ni kutunyolosha kwa kabisa. Si chacun de nous comprend cela. Kama kila mmoja wetu akiweza kuelewa ile. Nous serons plus le même. Hatutakuwa pamoja sawa sawa. Notre vie doit changer. Maisha yetu inapasha kubadilika. Le péché doit cesser dans nos vies. Dhambi inapasha kusimama kwa maisha yetu. La négligence doit cesser. Kusula kote kunapasha kumalizika ndani ya maisha yetu. Nous devons redoubler notre confiance en Dieu. Tunapasha kuongeza mara mbili tumaini yetu ndani ya Mungu. Nous devons redoubler notre confiance en Dieu. Tunapasha kumtumainia mara mingi sana Mungu wetu. Dans tout ce que nous faisons. Katika maneno yote tunafanya. Pour la gloire du Seigneur. Dieu utukufu ya Bwana. Vous voyez qu'avec la vie de Daniel, naona kwamba na maisha ya Danieli, ce n'est pas un problème qui est lié à l'âge. Aina mambo ni kuangalia umri ya miaka. Non bien aimé frère. Hapana ndugu mpendwa. Il est allé de plus ou moins à 14 ou à 15 ans. Alienda mule inchi alikuwa na miaka 14 wala 15. Il a gardé sa décision. Lakini alichunga mpango yake. Quand les gens disent que non, il faut grandir. Les enfants, les jeunes gens disent qu'il faut grandir. Babiana masino yupasha mbele kukomea. C'est parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne sont pas seulement des croyants. Ce sont des esclaves de Satan. Et ils veulent vivre comme le reste du monde. Donc, le problème de la foi n'est pas lié à l'âge. Le problème de la foi est lié à l'affection que nous avons envers Dieu et à notre appel que nous avons reçu de lui. Que le Seigneur vous bénisse. Regardez cet homme de Daniel. Tazameni mtumishi wa Mungu Daniel. C'est en lisant la Bible. Nimekusoma Biblia. Le livre de Jérémie. Kitabu ya Yeremia. Il lisait la même Bible que nous lisons. Alikuwa anasomaka Biblia moya moya ile shina shitu tunasoma leo hii. En dehors du Nouveau Testament. Hii kutosha moto agano jipya. Il avait l'Ancien Testament entre ses mains. Sous forme de rouleau. Il a lu le même chapitre de Jérémie 25 que nous lisons couramment, mais il a décelé la volonté de Dieu sur lui, sur son peuple et tous les plans que Dieu avait déjà conçus sur son peuple saint. C'est vrai frère. Allez lire attentivement la prière de Daniel. Maombi ya Danieli. C'est vraiment très profond. Iko ya upana sana. Regardez l'écriture que nous venons de lire ici. Daniel dit. Daniel akasema. J'ai parlé encore. Nilikuwa ningaliki nasema. J'ai prié. Ningaliki naomba. Et j'ai confessé mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Quand nous prions, Nous parlons à notre Dieu. Tukunasema njo na Mungu wetu. Comme nous l'avons déjà dit plusieurs fois. Baka vile tushakuyasema mara mingi. Prier c'est parler à Dieu. Kuomba ni kusema na Mungu. Et lorsque nous parlons à Dieu, na wakati tunasema na Mungu, nous lui exposons nos problèmes. Tukunamonesha njo mambo yetu. Nous lui exposons nos difficultés. Nous lui disons clairement ce qui préoccupe notre cœur. Dans la prière, on ne pleure pas. Bien qu'on peut pleurer pendant la prière. Dans la prière, on ne crie pas. Mukatika maombi abalalamikaki. On ne fait pas de bruit sans sens. Abafanya ki makelele ya shomana. Dans la prière, katika nous maombi, parlons à notre Dieu. Tukunasema njo na Mungu wetu. Nous lui exposons nos soucis. Tukunamonesha mangaiko ya mioyo zetu. Daniel parlait encore au Seigneur. Daniel alikuwa angaliki na sema na Bwana. Il parlait au Seigneur sur ce qui le concernait, ce qui concernait son peuple, ce qui concernait sa ville sainte, ce qui concernait son temple. Il avait une préoccupation. Il parlait de la captivité et des jours dans lesquels il était. Selon ce qu'il avait lu dans le livre de Jérémie. Il confessait dans la prière, on confesse. Il confessait son péché et le péché de son peuple. Regardez le péché, c'est l'incrédulité. Il confessait son incrédulité à l'égard de la parole. Il confessait l'incrédulité de son peuple alikuwa nakiri kutokuamini kwa taifa yake à l'égard de tout ce que Dieu leur avait annoncé. Kwa yule yote le Mungu aliwatangazia. Il suppliait le Seigneur alikuwa namusii Bwana. J'ai présenté mes supplications nikaleta maombolezo zangu. Il suppliait le Seigneur alikuwa namusii Bwana pour que son peuple retourne dans le pays il de la promesse. Ili taifa yake pate kurudia muinchi ya malako. Il supplie le Seigneur pour que son peuple soit libéré de la captivité. Il soit un peuple libre pour l'adorer. Il supplie le Seigneur. C'est vrai. Parce qu'il voulait voir son peuple libre. Lui-même libre. Sa ville être construite. Son temple être construit. C'était ça la préoccupation de son cœur. Et il demandait des faveurs. Que Dieu fasse faveur. Qu'il nous fasse grâce. Malgré nos fautes. Malgré notre incrédulité. Malgré notre désobéissance. Qu'il nous fasse faveur. De nous retourner dans le pays de la promesse. C'est vrai. Ce qu'il faisait. Je parlais encore dans ma prière. Quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans la vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Regardez le temps dans lequel Daniel priait. Il ne priait pas n'importe quand. C'était au moment favorable. Et le moment favorable, c'est le moment de l'offrande du soir. Regardez dans le comportement de Daniel. Il faisait tout selon la parole. Même le temps de la prière, kuomba, il la faisait naomba, autant wakati, qui convenait à la parole. Il ne faisait pas des choses en dehors de la parole. Kitu ya neno. Cependant qu'il faisait sa prière, wakati mkuomba, que l'homme Gabriel vint, jo mutu Gabriel yakakuja, pour l'instruire, jo akumfundisha, et pour causer avec lui. Après la prière, kisha maombi, et pendant la prière, na wakati ya maombi, de Daniel, ya Danieli, l'ange Gabriel lui fut envoyé. Malaika Gabriel bali mutuma kwaki, pour s'entretenir avec lui. Jo kuzungumuza naye. Et pour l'instruire selon la prière qu'il faisait au Seigneur. Kufatana na maombi ile Daniel anaanza kumtolea Bwana. Et l'ange dit à Daniel. Na malaika akamuonesha Daniel. Il dit, akasema, Daniel. Daniel. Si tu me vois venir maintenant. Ukiona nakuja sasa hivi kwako. Je suis envoyé de la part du Seigneur. Nimetumwa na Bwana. C'est pour t'ouvrir l'intelligence. Ninja kukufungua akili. Ça c'est très important. Hii ni ya mafaa sana. Bien-aimés frères et sœurs. Wapendwa nduku na dada. Pour comprendre la parole de Dieu. Juu ya kuelewa neno la Mungu. Il faut que le Saint-Esprit inapasha Roho Mtakatifu vienne vous ouvrir akuye akufungue votre intelligence akili yako. Si il n'y a pas l'assistance divine, kama hakuna msaada ya Mungu, aucun homme ne peut comprendre les écritures. Hakuna hata mtu mmoja anawezi kuelewa maandiko. C'est vrai frère. Ni kweli ndugu. Tu peux lire toute la Bible. Unawezi kusoma Biblia yote. De la Genèse à l'Apocalypse. Mwanzo kufika Ufunuo. Mais si le Saint-Esprit n'intervient pas, lakini kama Roho Mtakatifu asikuje kukusaidia, hautaelewa kamwe les écritures. Maandiko. Tu peux écouter. Unawezi kusikia. Les prédicateurs. Mahubiri. Prêchant la véritable parole et donna des explications claires à la parole qui est lue. Mais si le Saint-Esprit n'intervient pas pour t'ouvrir l'intelligence, tu ne comprendras absolument rien. Toutes les prédications, tous les enseignements yote seront seulement des bruits à tes oreilles. Yako. Tu peux recevoir une connaissance intellectuelle, mais qui ne t'aidera pas. Regarde comment le Saint-Esprit a dit dimanche. Mais beaucoup de gens n'ont pas compris. Lakini batu wa mingi wa kuelewa. Si les gens avaient compris, kama batu walielewa, l'église serait pleine. Kanisa haliwezi kuyala leo. Vous voyez bien mes frères. Naona wapendwa ndugu, toko maana kuimonesha kila mara. Le salut est individuel. Wokovu ni ya kila mtu palo yake. Le salut n'est pas lié au nombre de gens. Wokovu ayangalie bwingi wa watu. Si votre foi est attachée aux gens. Kama imani yako inaangalia tu hiyo bwingi wa watu pale wanapenda kosa mkubwa. Oui bien mes frères. Wapendwa ndugu ndio. Tout le monde. Wote a des oreilles naturelles, mais tout le monde ne comprend pas dans son cœur. Même Esaïe a dit, ils ont des oreilles, mais ils ne peuvent pas entendre. Ils ont des yeux, mais ils ne peuvent pas voir. Mais pour voir la vérité de Dieu, il faut à tout prix l'assistance du Saint-Esprit, l'assistance de Dieu dans votre vie. Sans lui, vous ne pouvez rien. Tu peux écrire les notes dans tes cahiers. Unawezi kuandika mahubiri, lakini si le Seigneur kama Bwana ne t'ouvre pas l'intelligence, akifungua akili, tu ne comprendras absolument rien. Hautaelewa kitu hata kimoja. C'est quoi vous voyez les gens? Ya unaona batu. bien que la parole est proclamée, mais il continue à vivre une vie contraire à la parole. Vous voyez, il continue à faire des choses que la Bible condamne. Pourquoi? Leur esprit n'a pas été éclairé. Vous voyez bien mes frères et sœurs, vous voyez les gens, leur vie n'a pas changé. Pourquoi? Parce que leur esprit est toujours fermé. Oui, bien aimé frère. Oui, bien aimé sœur. Mais écoutez encore. Comme nous parlons à l'époux de Jésus-Christ. Pour que Dieu vienne ouvrir ton intelligence. Pour que Dieu t'envoie le Saint-Esprit. Pour te faire comprendre sa parole. Pour te révéler ce mystère. Vous devez avoir un souci profond. De comprendre ce qui est enseigné. Ou ce qui est écrit. Dans les pages de la Bible. Daniel après avoir lu le livre de Jérémie, il avait un souci de comprendre ce qu'il lisait et de voir l'accomplissement de ce qu'il avait lu. C'est sous cet effet. Il était sous cette onction. Sous ce sentiment. Qu'il est allé en prière. Pour chercher la fin de l'Éternel. Regardez. Quand l'ange vient vers Daniel, il n'a pas trouvé Daniel au marché, il n'a pas trouvé Daniel au champ, il a trouvé Daniel en prière, cherchant la volonté de Dieu, sur ce qu'il avait lu dans le livre saint. Votre disposition intérieure a une très grande importance pour comprendre les mystères cachés dans les pages de la Bible. Votre souci profond de recevoir la connaissance, la clarté, les explications de la face du Seigneur, la révélation de Dieu, est indispensable pour que Dieu libère son esprit pour venir vous ouvrir votre intelligence afin que tu comprennes les Écritures. Votre disposition quand vous écoutez la parole est fondamentale pour que Dieu vienne parler à votre cœur. Un homme attentif à ce qui est dit, à ce qui est lit, ne dort pas pendant la prédication. Dieu ne peut à aucun cas se révéler à quelqu'un qui somnole, qui dort dans l'église. Non. Quand quelqu'un dort, il somnole, il prouve que ce qui est dit ne l'intéresse pas. Tu as déjà vu quelqu'un, on lui dit qu'on va te tuer maintenant, il dort. Alali. Tu l'as déjà vu. Non frère. Quand on traite les affaires importantes, tout le monde est attentif. Oui bien aimé frère. Et retenez cela, c'est très important. Sans l'assistance du Saint-Esprit, nous ne comprendrons rien de tout ce qui est écrit et de tout ce qui est enseigné. Même Jésus l'a fait dans Luc au chapitre 24. Jésus était avec eux. Il a prêché beaucoup de choses. Et des fois, il disait aux disciples, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Mais quand le Saint-Esprit viendra, il vous rappellera de toutes ces choses. Vous voyez, il y a beaucoup de choses que Jésus-Christ a enseigné aux disciples, mais ils ne comprenaient pas. Il y a beaucoup de choses que Jésus-Christ parlait, enseignait aux disciples, ils les comprenaient mal. Nous n'avons pas le temps d'exploiter cela. Jésus dit autre chose et ils disent autre chose. Et pourtant, il écoutait les dieux tout-puissants. Jésus-Christ leur avait expliqué ouvertement ses souffrances, sa mort et sa résurrection. Mais regardez le comportement des disciples. Ils n'avaient jamais compris toute cette explication-là. Mais après la résurrection et avant son ascension, avant son enlèvement, il vient vers les disciples dans Luc 24, dans son verset 44. Il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait qu'elle s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les écritures. Jésus leur lisait la loi. Yes, il leur lisait les prophètes. Il leur lisait les psaumes. Dit les choses qui les concernaient. Mais les disciples ne les comprenaient pas. Après la résurrection, il est venu. Comme ils ne comprenaient pas, selon les écritures, qu'il devait ressusciter. Alors il est venu pour leur ouvrir l'intelligence. Que vous suivez là? Est-ce que vous suivez là? Si vous ne suivez pas, j'arrête. Très important. Si vous ne suivez pas, les soeurs là derrière, et les frères, est-ce que vous suivez? Ok. Ciao. Très important. Ni ama fasan. Frère. Duku. Celui qui fait ça, le la fanya hivi. Ce n'est pas un pasteur. Aina pastori sawa mie mchungaji. Ce n'est pas un prédicateur. Aina mubiri. Ce n'est pas un prophète comme Branham. Aina nabii sa Branham. Comme Moïse. Sawa Musa. C'est le Dieu tout-puissant. Mungu wa uwezo yote. Il avait compris. Ule aliolewaka kwamba. Il avait vu. Il alionaka. Que ses disciples ya kwamba wanafunzi wake wapendwa. N'avait pas compris. Hawakuelewe. L'accomplissement des écritures. Milika kwa maandiko. Qu'ils ont vu de leurs yeux. Yele waliona na macho yao. Mais n'ont pas compris. Lakini hawakuelewa pana. Il est venu maintenant. Akakuya sasa pour leur ouvrir, libérer leur esprit afin qu'ils comprennent clairement ce que disent les écritures, ce qu'on dit les écritures à son sujet. C'est vrai, très important. C'est ce que Dieu fera avec chacun de nous si il est élu. C'est ce que Dieu fait maintenant avec chaque élu. Comme Dieu l'avait fait avec Daniel. Comme Dieu l'avait fait avec les disciples. C'est ce que Dieu aussi fait avec l'épouse de cet âge de l'Odyssée. Et si vous ne comprenez pas les écritures, mandiko, vous ne comprenez pas les prophéties maunabi, de notre temps, tu es en danger. Ton âme est en danger. Tout yote dépend de nous. Yote. Si vous voulez voulez comprendre, si vous avez les soucis profonds d'être éclairé, le Saint-Esprit viendra vous éclairer les Écritures. Mandiko. Si vous voulez comprendre les enseignements qui sont donnés, le Saint-Esprit viendra vous donner la compréhension de ce qui est enseigné. Tout repose sur vous. Ça ne dépend que de ce que tu veux. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Si vous ne comprenez pas, c'est-à-dire, la faute repose sur toi, pas sur Dieu. Dieu est disposé, même ce soir, à ouvrir votre intelligence, que tu comprennes même au-delà de ce que le prédicateur dit. Même là où le prédicateur a mâché les mots, le Saint-Esprit vous donnera une compréhension claire. Même là où le prédicateur peut commettre une erreur de langage, le Saint-Esprit corrigera cette erreur dans votre cœur, parce que c'est un esprit de vérité. Si tu as ce souci, Dieu aussi enverra son âme. Il enverra le Saint-Esprit pour t'ouvrir l'intelligence. Et lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Litoka, la réponse de la part de Dieu jibu, ya est buana, déjà sortie. Kutoka, et je viens pour te l'annoncer. Na mina kwanja kutangazia leo kweli. Tu m'as envoyé comme message pour t'expliquer ce que tu lisais, pour t'expliquer ce que tu demandais, ce que tu voulais. Je suis venu pour t'expliquer. Parce que tu es un bien-aimé. Écoutez comment là je dis. Frère, nous sommes des bien-aimés. Dieu ne peut rien refuser à son bien-aimé. Non. Dieu ne peut rien cacher à son bien-aimé. Non, frère. Dieu ne peut pas laisser son bien-aimé dans l'ignorance. Non, bien-aimé. Frère. Si nous sommes les bien-aimés de l'Éternel, cela signifie que Dieu est disposé à nous donner la clarté sur toute sa parole. Si nous sommes les bien-aimés de l'Éternel, rien ne nous sera caché. Tout ce qui nous est utile, Dieu ne peut pas le cacher. Jamais. C'est vrai, frère. Comme Dieu n'a pas pu cacher à Abraham notre père ce qu'il devait faire à Sodome, comme Dieu ne pouvait pas cacher à Daniel tous les plans sur Israël et ce qu'il ferait avec l'humanité, comme Dieu ne pouvait pas cacher aux disciples qu'il avait choisi ce qu'il accomplirait sur la destruction de Jérusalem. Dieu aussi ne peut pas nous cacher ce qu'il va accomplir au temps de la fin. Parce que nous sommes les bien-aimés de l'Éternel. Nous sommes les bien-aimés de l'Éternel. Dieu ne peut rien nous cacher. Rien. Parce que tout ce qui est écrit a été écrit pour nous. Il y a dit qu'on c'est vrai, frère. ce qui est écrit dans la Bible, c'est pour notre instruction, c'est pour notre avertissement, c'est pour notre vie. Il ne veut pas nous cacher. Non, bien-aimés frères. Non, bien-aimés sœurs. Il ne peut pas le cacher. Parce qu'il a un plan avec nous. Parce que ce plan-là, c'est avec nous qu'il accomplira. Il ne l'accomplira pas avec quelqu'un d'autre. Non. Il le fera avec nous. Parce que nous sommes ses bien-aimés. Il nous a prédestinés. Aller avec lui dans son ciel. Aller avec lui dans ses noces. Aller avec lui dans le millénium. Il ne peut pas nous cacher des choses qui peuvent nous permettre d'aller avec lui dans l'accomplissement de ses promesses. Même quand il est allé vers Abraham, il dit, Abraham, comment cacherai Abraham ce que je vais faire à Sodome et Gomorre? Abraham, c'est sera certainement une grande nation. Ibrahim, hakika kweli atakuwa taifa kubwa. Oui, bien mes frères. Naona wanduko wapendwa. À un bien-aimé, wa mpendwa, on lui cache rien. Aba mfichake kitu. On lui dit toute la vérité. Banamoneshaka ukweli yote. On lui explique tout. Banamfasiliaka yote. C'est vrai, frère. Bya kweli nduku. Dans Genèse au chapitre 18. Mukitabu ya Mwanzo sura 18. Dans son verset 17. Sura 17. En parlant sur notre père Abraham. Alors, l'Éternel dit, cacherai-je Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une grande et puissante, une nation grande et puissante. Et en lui ndani yake seront bénis toutes les nations de la terre. Watabarikiwa kama taifa yote ya dunia. Abraham deviendra Ibrahim atakuwaka certainement hakika kweli une grande nation taifa et puissante na ya uwezo. Et en lui ndani seront bénis toutes les nations de la terre ya dunia. Comment puis-je cacher je mitawezi kuficha à mon bien-aimé kwa mpendo wangu ce que je vais faire? Je unaenda kufanya? Non, bien-aimé frère. Hapana ndugu mpendo. Non, bien aimé sœur. Dieu n'a pas de raison pour nous cacher. Cacher en nous les élus. En nous son épouse. Tout ce qu'il va faire sur cette terre. C'est pourquoi frère, nous ne marchons pas comme les aveugles. Tous les événements de la terre, tous les événements qui se passent et qui se passeront sur la terre sont voilés dans les saintes écritures. Et le Saint-Esprit vient nous les révéler pour que nous ayons une compréhension claire et juste qui nous permettra de nous préparer, voyez, pour ne plus marcher comme les autres. La compréhension claire des Écritures que nous donne le Saint-Esprit nous rend différents de tous les peuples du monde. La révélation de la parole, la compréhension du Saint-Esprit que Dieu nous donne, c'est la chose qui nous rend différentes de toutes les églises. Nous comprenons les choses que le monde ne peut pas comprendre. Nous comprenons les choses que les églises ne peuvent pas comprendre. Ce n'est pas un problème qui est lié aux études. C'est un problème qui est lié à l'élection de Dieu. Nous sommes les bien-aimés. Nous sommes une partie du plan de Dieu. Il n'y a rien que Dieu peut accomplir sur cette terre sans nous. Tu es un bien-aimé. C'est pourquoi je viens pour t'ouvrir l'intelligence. Tu es même une partie du plan de Dieu. C'est pourquoi Dieu m'envoie pour t'ouvrir l'intelligence. Frère, c'est vrai. Aujourd'hui, sur toute la terre, nous nous trouvons à un bon endroit. À cet endroit où le Saint-Esprit descend du trône directement pour nous révéler sa volonté. C'est vrai. Cela n'est pas lié aux études. Cela n'est pas lié à la théologie. Cela est lié à la volonté de Dieu. Cela est lié à l'élection de Dieu. Dieu nous a prédestinés à connaître ces choses. Il nous a connus dès avant la fondation du monde pour que nous soyons une partie de l'accomplissement de la parole. Du temps de la fin, nous sommes un peuple prophétique. C'est pourquoi nous comprenons et nous comprendrons la parole prophétique sans ombre. Que le Seigneur soit glorifié. Qu'avons-nous fait? Nous déjà des insensés selon le monde. Des vauriens selon le monde. Et même devant Dieu, nous ne valons rien. C'est vrai. Nous ne savons même pas parler. Nous n'avons même pas étudié. Mais le Dieu du ciel nous a fait grâce. Le Dieu du ciel, il nous a aimés, il a abandonné les grands, il a abandonné les riches, il a abandonné les rois, il a abandonné les savants, il a abandonné les philosophes. Il est venu vers nous qui ne valons rien pour nous révéler sa parole. Quelle vie devrons-nous vivre? Maisha gani tulipasha kuishi? Il n'y a que des insensés. Mpaka tu wajinga. Il ne peut pas comprendre la grâce que Dieu nous a faite. Neema ile Mungu alitufanyia. Il y a des hommes et des femmes qui ont payé des avions pour aller à des milliers de kilomètres pour étudier et comprendre les choses de Dieu. Je ne les ai pas donné cette grâce. Lakini Mungu ashikupatia inema. Ouais, bien mes frères. Ils ont étudié des années. Il dormait, il ne dormait même pas pour comprendre. Frère, ce n'est ni par la force, aina wala kwa nguvu, ni par ta force, wala kwa nguvu yako, ni par ta puissance, wala kwa uwezo yako, mais c'est par son esprit kwa roho yake, que nous recevons toutes choses. Tunapokea vitu vyote. Wanduku, je me sens heureux. Najisikia kwa waheri. Quand quelqu'un comprend, wakati mtu anaelewa ya kwamba yeye ni mpendwa wa milele, même les choses de la vie, hata vitu vya maisha, ne peut pas être sa préoccupation. Haviwezi kwa angaiko yake. Tu es un bien-aimé. Woko mpendwa dada yangu. Woko mpendwa wa milele. Ndugu yangu. Woko mpendwa. Nous sommes les bien-aimés wa milele. Croyez dans votre cœur. Amini ndani moyo wako. Que dans cet état de la Odyssée. Je ne peux rien faire sans toi. Bila mie. C'est vrai frère. Ya kweli ndugu. Si vous comprenez les choses de cette manière, vous allez arrêter la négligence, la côté, des plaisanteries. Yote, vous yote, serez sérieux avec Dieu. Vous serez sérieux avec vous-même. Vous serez sérieux avec Dieu. Et Dieu sera sérieux avec toi. Na Mungu, na Dieu ne peut pas révéler sa parole. Mungu, neno lake, au négligent. Kwa watu wa kusula. Aux gens qui sont moins sérieux. Bantu, asio kujeshimia. Non bien-aimé frère. Apana nduku mpendwa. Non bien-aimé frère. Apana dada mpendwa. Tu es un bien-aimé. Wewe uko mpendwa. C'est vrai. Nibia nous kweli. Sommes les bien-aimés. Tuko wapendwa. Dieu a abandonné le pape. Mungu aliacha pape. Le surintendant. Le surintendant. Et tous ces gens ici qui se nomment. Na watu wote wanajiita. Comme les hommes de Dieu. Sawa tu Mungu. Il vient vers toi. Anakuwa pour t'ouvrir l'intelligence. Akili, afin que tu comprennes. Ili upate kuelewa. Neema gani. Au temps des apôtres. Wakati la mitume, Pierre n'avait même pas étudié. Kujifunza. J'en avais même pas Yohana étudié. Kapana. Mais Dieu a abandonné. Le souverain sacrificateur. Qui lisait la loi. La quoi la soma chérie, qui lisait les rouleaux. La quoi soma... Tous les jours dans leur temple. Il ne comprenait pas. Lakina mais il kwelewa. Est allé vers les illettrés. Les gens qui ne savaient même pas parler. Qui avaient un langage ordinaire. Qui n'avaient pas un langage ecclésiastique. Mais Dieu les a révélés. Des choses cachées. Dans les pages de la Bible. Parce que c'était des bien-aimés. De l'Éternel. Oui, nous sommes les bien-aimés. C'est pourquoi Dieu nous révèle ces choses. Là, je continue. Il dit, sois attentif à la parole. Et comprends la vision. Bien aimés frères et sœurs. Pour comprendre une vision. Et comprendre toutes choses dans la Bible. Restez avec les Écritures. Baki na mandiko. Regarde comment l'ange dit Malaika à Daniel. Na Daniel. Il dit Daniel. Daniel. Tu es un bien-aimé de l'Éternel. Mais sois attentif à la parole. Uneno. Il n'a pas dit, sois attentif à la vision. Sois attentif à la parole. C'est à ce moment-là que tu comprendras la vision. Parce que la vision est conforme à la parole. Vous voulez comprendre la vision? Considérez ce que disent les Écritures. Beaucoup de gens tombent dans les fausses doctrines parce qu'ils ne considèrent pas ce que disent les Écritures. Il y a beaucoup de gens, comme nous les retrouvons dans le monde, ils ont beaucoup de visions, et ils croient n'importe quoi. Quelqu'un reçoit une inspiration, mais il ne veut pas considérer ce que disent les Écritures. Quand tu reçois un son, tu reçois une vision, tu reçois une inspiration, vous devez veiller sur ce que l'Écriture dit. Si vous vous éloignez de l'Écriture, vous irez dans une fausse doctrine. Si vous ne veillez pas à ce qui est écrit, si vous ne veillez pas à ce que dit la Bible, si vous ne veillez pas à ce que dit les Écritures, sur toutes choses dans votre vie, dans votre croyance, dans vos visions, vous irez loin de la vérité. Il y a beaucoup de fausses doctrines qui existent aujourd'hui dans le monde, même dans le monde du message. C'est parce que les gens ne considèrent pas les Écritures. Le message que nous avons vient des Écritures. Le message que nous avons n'est pas en dehors de l'Écriture. Pour comprendre ce message correctement, nous devons considérer ce que disent les Écritures. Et il faut la présence de Dieu pour vous aider à comprendre la vision et l'Écriture. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. dans toute notre vie, dans tous nos enseignements, dans toutes nos inspirations, dans toutes les visions, dans tous les sens que nous pouvons avoir, nous devons toujours considérer ce qui est écrit dans le livre de vérité. Il y a un seul livre de vérité, c'est la Bible. Si Israël est allé en captivité, si Israël et tout Juda sont tombés dans l'idolatrie, ils n'ont pas écouté les prophètes qui leur parlaient de la part du Seigneur. Ils n'étaient pas attentifs à la vérité de l'Écriture. Même Daniel le dit. Dans Daniel au chapitre 9. Dans le verset 13, Daniel chapitre 9, verset 13, comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous, et nous n'avons pas imploré l'Éternel notre Dieu, nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités, nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. La vérité de Dieu, c'est l'Écriture. C'est pourquoi un véritable chrétien ne croira jamais quelque chose en dehors de l'Écriture. Même si quelque chose semble être bon à tes yeux, semble être bon, ça sonne bien à tes oreilles, si ce n'est pas l'Écriture, abandonnez cela. Ce qui est en dehors de l'Écriture est faux. C'est mensonge. Et Satan est dans tout ce qui est faux. Satan est en dehors de l'Écriture. Si vous voulez croiser Satan, vous voulez croiser la mort, allez en dehors de l'Écriture. C'est pourquoi Paul dit, nous avons appliqué cela à Apollo et sur nous-mêmes. Si, Apollo nous enseignons en autre de ne pas aller en dehors de ce qui est écrit. Nous sommes les croyants de la Bible. Notre foi est fondée sur la Bible. Toute la vérité divine, Dieu l'a cachée dans les pas de la Bible. C'est vrai. C'est pourquoi il faut être attentif à la parole. Ne soyez pas attentif à tes sentiments. Ne regardez pas ce que les gens disent. Non. Ne soyez pas attentif à tes inspirations. Non. Mais soyez attentif à la parole. Vous ne pouvez rien comprendre si vous n'êtes pas attaché à la parole. Il y a beaucoup d'enseignants qui ont tenté de parler sur les 70 semaines de Daniel. Ils sont tombés à côté comme nous le verrons. Les Adventistes du 7e jour. Tous les sabbatiques. Les témoins de Jéhovah, ils se sont aventuriers à aller de la parole prophétique. Ils se sont tous tapés à côté. Pourquoi ils ne considéraient pas les Écritures? Ils n'ont pas considéré la parole de Dieu. Il y a beaucoup de frères, même ceux qui croient le message, ujumbe, les tonneristes munguruma, et tous ces gens qui croient des faux doctrines, munguruma, ils sont tombés dans les faux doctrines. Ils croient des choses qui ne sont pas dans la Bible. C'est parce qu'ils ne croient pas de ce qui ne sont pas dans la Bible. Ils ne sont pas attentifs à l'Écriture. Et ils ne sont pas attentifs à l'Écriture. Pourquoi? C'est parce qu'ils ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu conduira toujours un élu à l'Écriture. Sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas comprendre l'écriture. Sans l'esprit de Dieu, tu ne peux pas comprendre une vision de l'écriture. C'est vrai. Même les Sadducéens au temps de Jésus. Jésus leur a fait les mêmes reproches. Je vous prends deux minutes. Dans Matthieu au chapitre 22. Matthieu au chapitre 22. À partir du verset 23. Jusqu'au verset 32. Le même jour, les sadducéens qui disaient qu'il n'y a point de résurrection vers auprès de Jésus et lui posèrent cette question. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous sept frères. Le premier se maria et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fit de même du deuxième, puis du troisième, jusqu'au septième. Après tous, la femme mourut. À la résurrection, duquel de ces sept sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eu. Comme les sadducéens ne comprenaient pas les écritures, ils n'ont pas compris la résurrection. Écoutez la réponse de Jésus. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les écritures ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme des anges de Dieu dans le ciel. Pour ce qui est de la résurrection de mort, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu de mort, mais de vivant. Vous voyez? Les sadducéens ne comprenaient pas les écritures ni la puissance de Dieu. C'est pourquoi ils sont venus avec cette question. Frère, ma soeur, nous sommes les bien-aimés de l'Éternel. C'est pour comprendre correctement toute chose qui est attachée à Dieu par l'Écriture. Quand quelque chose n'est pas l'écriture, éloignez-vous de cela. Ne vous attachez pas à une chose qui n'est pas dans la Bible, dont les écritures saintes ne témoignent pas. Et dans cet état de la Odyssée, Dieu est venu pour nous donner la compréhension des Écritures. C'est pourquoi nous pouvons prendre la Bible, n'importe quel chapitre, et nous comprenons. Là où les autres ne comprennent pas, nous nous comprenons parce que le Saint-Esprit est avec nous. Dieu nous a envoyé un prophète pour nous éclairer. C'est vrai, frère. Nous sommes les bien-aimés. Et nous devons être attentifs à la parole pour comprendre la vision. Que Dieu vous bénisse, nous allons continuer. C'est pourquoi nous devons beaucoup veiller. Même quand vous venez à l'église, soyez dans les bonnes dispositions. Écoutez pour recevoir la clarté de ce que Dieu vous dit. Venez dans l'intention, dans les dispositions qui peuvent permettre Dieu à venir ouvrir ton intelligence. Parce que tu es un bien-aimé. Tu es comme pendoa. Lève-nous pour la, Simame, la prière. Jacob. Nous continuerons demain. Tendere chaque jour. Ah, la parole de Dieu est merveilleuse. Ah, neno la mungu kwa yadamani. Prions-nous tous ensemble. Tuombe pamoja. Père éternel, nous te sommes infiniment reconnaissants.